Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue, vous êtes branchés sur les ondes de Radioactive et c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous avec celles et ceux qui font vivre notre territoire. Aujourd'hui on va parler tourisme, patrimoine et belles idées de sortie pour les mois à venir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Millet, responsable communication, promotion et observation à l'Office de tourisme du Val d'Amboise. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors avant de parler de la programmation, on va faire un petit peu connaissance, si vous le voulez bien. Quelques mots sur votre parcours, Grégory. Oui, mais j'entame ma 15e année à l'Office de tourisme du Val d'Amboise. Je commence à faire partie des murs dans cette jolie destination. Je suis du Val-de-Loire à l'origine, j'ai fait des études de langue et je suis très vite tombé dans la marmite tourisme. J'ai fait quelques saisons à Disneyland Paris qui m'ont vraiment donné envie de côtoyer le public touristique. Et puis après, j'ai rencontré vraiment l'Office de tourisme en Gironde, à Saint-Émilion. Et voilà, en 2012, j'ai commencé ma première saison à Amboise. J'étais à l'origine guide à l'Office de tourisme. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de visites guidées. Donc j'ai été guide, j'ai construit des visites guidées. Et depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté à la communication pour promouvoir les belles visites que mes collègues proposent. Et moi, j'ai même vu, en regardant un petit peu sur les réseaux, que vous aviez été guide à Chambord. Oui, j'ai été guide à Chambord. La première visite guidée, effectivement, que j'ai effectuée, c'était il y a 21 ans, au château de Chambord. Belle expérience. Et j'avais adoré. Ouais, ouais. Alors, on imagine. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier aujourd'hui ? Ce qui me plaît vraiment, c'est d'être là pour le public, de l'assister, de l'aider. Déjà, on côtoie des gens qui sont en vacances, donc la plupart du temps, c'est quand même très agréable. C'est et sûr. De promouvoir sa région, de leur donner envie de rester, de leur donner des idées, des pépites qu'ils n'avaient pas forcément imaginé visiter ou découvrir, des bons petits plans dans des restos, des bonnes soirées à passer en bord de Loire. Voilà, c'est partager mon amour du Val-de-Loire et de la destination amboise, c'est ça qui est le plus sympa. C'est un domaine qu'on choisit par passion, finalement. Je pense, oui, parce qu'il y a bien sûr des contraintes. On entend beaucoup les contraintes de bosser dans les métiers du tourisme. Voilà, on travaille les week-ends, on travaille en soirée, on travaille les jours fériés. C'est pas faux. Pour la vie de famille, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Bon, voilà, moi, depuis 2002, mes premières saisons dans le tourisme, c'est mon quotidien. Donc, ça ne m'a jamais dérangé, finalement. Donc, oui, on peut dire que c'est un métier passion, oui. C'est intéressant quand vous disiez on aime bien partager avec les touristes les petites pépites, les choses qui sont peut-être un peu moins touristiques finalement ici. Mais est-ce que des locaux aujourd'hui, des Amboisiens, Montlouisiens, habitant le Val d'Amboise, ont encore des choses à découvrir ? Je pense, oui. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec le Conservatoire de la Confiserie, par exemple, qui s'est installé et puis qui a démarré petit à petit, qui s'est fait connaître. Et on a toujours autant de locaux qui découvrent qu'on a ce petit musée de la confiserie et ses ateliers qui sont proposés. Environ 15% des visiteurs qui franchissent les portes de l'Office de tourisme sont des locaux. C'est hyper important. Et quasiment un Français sur deux qui visite Amboise est un local, c'est-à-dire il vient soit de Touraine, soit du Loir-et-Cher. Donc ce sont des gens qui, on peut l'imaginer, connaissent tout. Et en fait, non. Soit ils viennent redécouvrir le territoire, soit ils viennent tester un nouveau petit resto, une nouvelle boutique, déguster un nouveau cru chez un vigneron qu'ils apprécient. Donc non, ils sont hyper importants, nos locaux. Alors vous venez aujourd'hui, Grégory, avec une belle actualité. C'est la programmation 2026 de l'Office de tourisme. Alors déjà, dans les grandes lignes, comment vous pourriez décrire cette programmation ? Cette programmation, elle se décompose en trois univers, des visites immersives, des visites thématiques et la nouveauté de l'année qui est une visite gourmande. Donc voilà, on va essayer d'emmener les visiteurs dans ces trois univers pour leur faire découvrir toutes les facettes du Val d'Amboise, puisque voilà, il n'y a pas que les châteaux, on a plein d'autres choses, plein d'autres domaines à leur faire découvrir. Alors, c'est quoi l'idée derrière le format des visites immersives ? Les visites immersives, c'est une guide ou un guide qui se costume, qui interprète un personnage et qui plonge le visiteur dans son univers. Donc, la visite phare de l'Office de tourisme, celle qui est vraiment notre ADN, c'est la visite avec Mathurine, les secrets de Mathurine. Elle existe depuis une vingtaine d'années et on a des dizaines de Mathurines qui se sont succédées au fur et à mesure de ces années pour interpréter le personnage, avec toujours autant de succès parce que ces visites partent quasiment complètes tous les jours qu'elles sont proposées. Donc Mathurine, pour résumer très brièvement, c'était la cuisinière véritable de Léonard de Vinci au château du Clos-Lucé. Elle l'a accompagnée pendant 3 ans dans son quotidien, elle lui faisait ses petits plats. Et Mathurine rassemble les familles, les individuels, les adultes comme les enfants, pour leur apprendre quel était le quotidien, quels étaient les petits secrets, quelles étaient les habitudes du grand Léonard Amboise. et Mathurine, on la rencontre au Colucé. Donc c'est au Colucé, c'est pendant les vacances scolaires, deux fois par jour, du lundi au samedi, pour des visites d'une heure, qui se déroulent dans le parc, où Mathurine va à la fois cheminer dans le jardin potager pour parler de la soupe aux champignons que Léonard adorait, mais aussi de toutes les maquettes. Hein. Ceux qui sont déjà allés au Colucé savent qu'il y a des dizaines de maquettes grandeur nature à tester dans les jardins. Donc elle va s'arrêter auprès de quelques-unes de ces maquettes et parler de la passion de Léonard pour le vol, pour les machines de guerre, etc. Avec Mathurine, on est presque dans du spectacle vivant. C'est de plus en plus une visite théâtralisée. Alors, on ne recrute pas nos guides pour être des comédiennes, mais elles se prêtent au jeu vraiment. Et dès qu'elles enfilent le costume, effectivement, elles rentrent vraiment dans le personnage. En même temps, quand on propose du guidage, où il y a forcément une partie d'animation qui est prépondérante là-dedans. Alors, on est souvent quand même à l'aise avec le public et on aime jouer avec le public. Mais là, on franchit quand même un seuil en revêtant le costume. Et voilà, les enfants, on a beaucoup de classes aussi, de la maternelle jusqu'au collège, on va dire. C'est tout public, Mathurine. Voilà, c'est tout public. Et les plus petits sont souvent à poser la question, mais t'as vraiment 500 ans, Mathurine, voilà, mais est-ce que tu connais le téléphone? Est-ce que tu connais Internet? Est-ce qu'il est sympa, Léonard? Ouais. Alors, il y a aussi des visites nocturnes, contes et légendes de Touraine. Ça change complètement l'ambiance quand c'est en nocturne. Ouais, c'est très sympa. Ça, c'est vraiment nos animations nocturnes de l'été. On va les faire à plusieurs reprises après le 14 juillet, on va dire, une fois par semaine. Et alors que le soleil tombe, avec des petites lanternes, on emmène un groupe dans la ville. Donc c'est vraiment une visite qui est dans les rues principales d'Amboise, la rue Nationale, la place de Bray, la rue Victor Hugo. Elle est axée, basée, cette visite, sur des contes véritables, hein, c'est pas des contes inventés, des contes véritables de Touraine. Par exemple, l'histoire de la bête de Touraine, qui était une bête encore plus mortelle que la bête du Gévaudan. Et quand il est 21h30, 22h et que la nuit commence à tomber sous la tour de l'horloge, on se rassemble tous autour de la guide et on écoute cette légende. Alors, disons, Grégory, il va falloir que vous reveniez parce que là, on a envie d'en savoir plus sur ces contes-là. C'est important aujourd'hui, justement, de proposer des expériences différentes au tourisme classique. Par exemple, les nocturnes, c'est des choses qui sont depuis plusieurs années testées et qui fonctionnent bien. Les nocturnes, ça fonctionne très bien en été. On a un public estival qui est important, des gens que l'on a envie de faire rester sur la destination, donc de faire dormir dans les chambres d'hôtes, dans les gîtes, au camping, dans les hôtels, etc. Et il faut animer le territoire pour ça. Il faut que les gens aient des opportunités de s'occuper le soir. Et c'est pour ça qu'en complément des animations qui sont proposées par la ville, par exemple les concerts, le théâtre de rue, bah, l'office de tourisme joue sa part. Et un soir par semaine, l'été, fait ces balades-là. Je vous propose, Grégory, on va marquer une petite pause en musique. Aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi le morceau qu'on va écouter. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce choix ? Alors, c'est un morceau de Eivor, une chanteuse originaire des îles Féroé, ça s'appelle Far Away. Et en fait, à la fois, c'est une chanson qui me fait voyager parce que c'est une des dernières très belles destinations que j'ai pu découvrir. C'est un gros coup de cœur voyage. Et ça me rappelle aussi que moi, de temps en temps, je suis touriste, je suis visiteur. Et notamment quand je suis à l'étranger, je ne manque pas de fréquenter les offices de tourisme. Et il y a vraiment une chose qui me touche quand je rentre dans ces offices, c'est à quel point les gens qui s'occupent de nous sont aidants. Et je me rends compte que mon travail est important. Quand moi, je suis en vacances, je me rends compte que accompagner le public, les assister dans toutes leurs petites demandes, quand moi, je suis de l'autre côté du comptoir, et ben c'est hyper important. Et est-ce que là-bas, au fin fond des îles Féroé, ils connaissent Amboise ? Ah non, je n'ai jamais rencontré des gens des îles Féroé qui sont venus à Amboise. Ils sont que 16 000 aux îles Féroé. Donc oui. Oui, c'est sûr. Donc, eh ben, c'est parti, on va écouter ce titre. Eivor, Far Away. C'est parti sur Radioactive. Teach me invitation au voyage, elle donne envie de vagabonder sur les routes. Cette chanson, c'était Eivor Faraway, le titre choisi par mon invité aujourd'hui, c'est Grégory Millet, responsable communication, promotion et observation à l'office de tourisme du Val d'Amboise. Grégory nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la programmation 2026 de l'office de tourisme. Et on a parlé dans une première partie d'émission des visites immersives, on a parlé bien sûr des secrets de Mathurine. Mathurine bien connue pour avoir été la cuisinière de Léonard de Vinci. Et puis il y a deux autres formats qui vont être proposés par l'office de tourisme, ce sont des visites thématiques et enfin les visites gourmandes. Alors les visites thématiques, Grégory, qu'est-ce que c'est ? Les visites thématiques, elles sont on va dire, plus classiques pour un office de tourisme, elles ne nécessitent pas de nos guides, d'interpréter des personnages, ni de revêtir un costume. On a la visite Amboise 2000 ans d'histoire qui se déroule actuellement, on a une cet après-midi d'ailleurs, avec déjà une quinzaine de personnes inscrites. C'est une visite qui a toujours autant de succès parce qu'elle présente en une heure, on va dire, les grandes lignes de l'histoire d'Amboise, depuis la fondation par les Turons, donc l'histoire gallo-romaine, jusqu'à l'essor, l'âge d'or de la Renaissance, François Ier, Charles VIII avant lui et Léonard de Vinci. Et c'est un petit parcours de l'office de tourisme sur les bords de Loire, l'église Saint-Florentin, la rue nationale, la tour de l'horloge, voilà, tous les monuments incontournables, tous les spots à photographier, on va dire, y passent. Et c'est un bon complément pour des visiteurs qui viendraient faire un château ou deux en fin de journée, de finir leur journée par une découverte des grands moments importants de l'histoire de la ville. Pierre, du coup, vous passez juste à côté du Calder, qui est venu agrémenter aussi l'espace public il y a quelques années maintenant. Oui, effectivement, on a plusieurs œuvres contemporaines qui sont venues fleurir dans les rues amboisiennes. Et justement, on est en train de construire, là, avec l'équipe, un parcours découverte, puisque la ville a lancé un parcours de visite de l'art contemporain à Amboise, sur les différentes structures qui ont été installées au fur et à mesure des années. Et là, au cours des semaines ou des mois à venir, on va lancer un petit livret, notamment à destination du jeune public, pour les initier à l'art contemporain en utilisant ce patrimoine plus moderne, on va dire, qui est un petit peu disséminé dans les rues amboisiennes. Ça, c'est de chouettes initiatives que d'essayer d'embrigader nos jeunes, nos enfants, dans ces découvertes-là. Je pense au passeport patrimoine aussi qui a été mis en place par la ville d'Amboise. Vraiment de très belles initiatives. Est-ce que même les habitants, les locaux, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple sur cette visite thématique 2000 ans d'histoire d'Amboise, est-ce que les locaux peuvent y venir ? On a clairement un public local qui est récurrent sur nos visites thématiques, hein, que ce soit la visite de ville ou la visite du cimetière des Ursulines dont on va parler juste après. Hein. Majoritairement, notre clientèle sur ces visites-là est un public local. Pas forcément local d'Amboise, hein, mais local de, oui. De Mont-Louis, de l'agglo de Tours, voire de Blois, Pont-le-Voix, Montrichard, enfin, ou de Loches, les communes environnantes. Parce que c'est pas parce qu'on est venu une fois ou deux au marché d'Amboise qu'on connaît bien son histoire. Tiens, et puis voilà, c'est une visite qui est proposée à un tarif raisonnable pour une visite guidée d'une heure faite par une guide professionnelle sur une belle ville comme ça. Donc ça permet de bien ponctuer sa journée, puis après on va boire un verre en bord de Loire ou place du Château, et puis voilà, la journée est complète. Alors vous l'avez évoqué, le cimetière des Ursulines, c'est une visite assez originale ça. Oui, mais c'est une visite qui fonctionne bien dans plein de villes, notamment des villes avec un fort passé historique et de grands personnages qui se sont succédés à Amboise. Et dans la ville d'Amboise, on a la chance d'avoir un cimetière historique qui est magnifique, avec de très jolies allées alors enherbées ou des allées ombragées. Et puis surtout des caveaux qui sont architecturaux, de grandes personnalités, je pense à Choiseul par exemple, à Léonard Perrault. Voilà, nos guides profitent de la promenade dans les allées du cimetière des Ursulines pour présenter ces grands personnages et par ricochet pour présenter l'histoire d'Amboise, parce que Choiseul c'est Chanteloup et c'est aussi un grand personnage de l'histoire de France, donc tout est lié. Et je dis souvent que prendre une visite à Amboise, c'est parcourir l'histoire dans un livre ouvert, et c'est tout à fait ça au cimetière des Ursulines. Alors, il y a une nouveauté qui va parler à pas mal de monde, ce sont les visites gourmandes. Oui, les visites gourmandes avec une visite apéro qui va faire son apparition cet été. La visite apéro, c'est joindre l'utile, entre guillemets, ou le culturel à l'agréable. C'est se balader pendant 30-35 minutes avec une guide dans les rues d'Amboise et apprendre rapidement, on va dire, hein, survoler l'histoire, les grands monuments, un petit peu à l'image des 2000 ans d'histoire, mais en manière plus accélérée, pour rapidement rejoindre les bords de Loire et se poser, alors soit s'asseoir sur la plage en fonction de l'humeur des gens, soit s'asseoir sur un banc sur la digue de Loire, justement près des Gigi de Fred Chabot, pourquoi pas, hein, et puis se faire servir par notre équipe un petit verre, une petite coupe de pétillant avec quelques tartines, de poisson fumé, de rillettes, de fromage de chèvre, quelques biscuits, local. Voilà, que du local. Que hein. du local bien sûr, on fait nos courses dans les boutiques de la rue Nationale et puis chez les vignerons du coin. Mais voilà, les visiteurs sont de plus en plus à la recherche d'expériences. Et visiter une ville avec le petit supplément de déguster la ville, en fait, déguster le territoire, bah ça, c'est une expérience qu'ils ont envie de vivre. Nos visiteurs, qu'ils soient français ou étrangers, sont très friands de ce type d'expérience. En tout cas, ça donne très envie. Avec ce beau temps qui arrive, vous nous mettez l'eau à la bouche, Grégory. Est-ce que justement, dans toute cette programmation, vous avez, vous, un coup de cœur que vous recommanderiez les yeux fermés aux touristes qui viennent visiter Amboise ? Alors, la visite apéro, c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est une visite que moi, j'avais testée il y a quelques années, enfin tenté d'introduire à Amboise et puis qui avait connu son petit succès. Donc voilà, je suis vraiment convaincu de l'expérience à vivre pour cette visite. Imaginez, il est 19h en bord de Loire, fin juillet. On a quelques montgolfières qui sont en train de gonfler de l'autre côté sur la plage de Nazelles. Et puis là, on est posé, tranquille, au coucher du soleil, en train de siroter son petit crémant de Loire ou son petit Touraine Amboise avec quelques rillettes. Voilà, c'est une expérience magnifique. Et puis, mon deuxième coup de cœur, c'est une visite que l'on n'a pas évoquée aujourd'hui, qui est unique, c'est la visite d'Halloween. Ah oui. Et la visite d'Halloween, elle se déroule deux soirs simplement, ou trois soirs pendant les vacances de la Toussaint. Et c'est une visite alors, qui est strictement réservée aux plus de 12 ans, parce que c'est une visite pendant laquelle on va... Vous allez nous faire peur. On va faire peur, on va évoquer les peurs, les craintes des gens au Moyen-Âge et à la Renaissance. On va parler de sorcellerie, on va parler de la mort à la Renaissance. C'est pas une visite très très gaie, mais complètement dans l'ambiance. Mmh. Et cette visite qui fonctionne très bien, qui est souvent complète également quand on la propose, souvent elle attire les gens costumés. Vous la faites pas aux Ursulines, voilà. Celle-là ? Non, celle-là, on n'emmène pas aux Ursulines. C'est une visite qui reste dans la ville, mais qui se sert de la ville comme un support de parcours, en fait. Et vraiment, on va s'intéresser à des sujets qui concernaient les Amboisiens au 15e ou au 16e siècle. C'est comment vivait-on la mort, comment vivait-on la maladie. Et c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui passionnent toujours notre auditoire. Eh bien, je veux bien vous croire sur parole. Ça donne envie de vous poser un tas de questions, mais on est là pour parler de la programmation 2026. Donc, je vais garder mes questions peut-être pour une prochaine émission. Où est-ce qu'on réserve pour tous ces rendez-vous sympas que vous venez de nous énumérer ? Alors, la billetterie est en ligne sur le site internet de l'Office de Tourisme. C'est billetterie.amboise-valdeloire.com. On a toute la programmation de l'Office de Tourisme et toute la billetterie en général pour les animations, activités et châteaux. Et ce sont des visites qui, pour la plupart, sont très courues. Donc, il ne faut pas hésiter à réserver en amont, parce que souvent, la veille pour le lendemain, on n'a plus de visite. Mmh. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette programmation, Grégory. Avec plaisir. À la fois immersive, thématique et gourmande. Dernière petite question avant de vous laisser. C'est quoi votre ambition avec l'Office de Tourisme sur ce nouvel été qui arrive ? On a de l'ambition d'une belle saison, on espère, avec le beau temps là, qui est revenu après un hiver qui était maussade quand même au niveau de la météo, et le beau temps qui a attiré les visiteurs, des visiteurs français, internationaux, des Américains, des Italiens, des Belges, qui sont là déjà pour les vacances de Pâques. Donc voilà, on a l'envie de les occuper, de les faire rester sur le territoire, et puis de voir toujours plus de monde s'éclater à visiter Amboise et à visiter tous ces châteaux, faire toutes ces activités au bord de la Loire, à vélo, voilà. Eh bien, merci encore, Grégory Millet. Je rappelle que vous êtes responsable communication, promotion, observation à l'Office de Tourisme du Val d'Amboise. J'ai envie de vous dire à bientôt. Ben, à bientôt, avec plaisir. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. C'est donc la fin de ce mag. Il est à retrouver en replay, notamment sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Merci à tous de nous avoir suivis. Et très belle journée sur Radioactive. À bientôt, Grégory. Au revoir, à bientôt. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.